Malgré le fait que la température nous plonge de plus en plus longtemps dans cette lumière qui me donne mal aux yeux et cette chaleur qui tente à augmenter et qui est pour effet de périmer plus rapidement mes cadavres, je tenterai ce soir de vous faire parvenir et revenir momentanément dans cette noirceur et froid hivernal qui me sont si chers avec un petit spécial Doob. Et si vous voulez augmenter l'effet sensoriel de cette expérience, vous pouvez vous installer dans le frigo. Mais pensez à viser quelqu'un de votre présence à la place du jambon, parce que dans le cas contraire, il se pourrait que vous stoppiez le processus de vieillissement, oui. Mais vous ne pourrez profiter plus jamais de rien. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il s'appelle Dr. Payne. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated. Cause Pendragon said so. Allons faire une petite exploration dans les abysses. Go! Signal the end of time.

Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 20 mai de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai jusqu'à 21h dans cette édition fort métallisée et tout à fait chargée, une fois de plus, évidemment. En ouverture d'émission, nous avons eu ce bloc-ci, juste avant la pause publicitaire Gravedigger. Et la pièce Hell Dog que l'on retrouve sur Clash of the Gods, qui est paru en 2012 sur Napalm Records. Un grand classique, soit celui de Merciful Fate, la pièce Evil, pièce d'ouverture du très bon album emblématique du genre, soit Melissa, qui est paru en 1983 sous l'étiquette Roadrunner Records, Black Sabbath. Et oui, ça aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le... Ben, j'avais... Oui, je l'écoute, évidemment. Mais je n'avais pas eu l'idée de le programmer. Pièce d'ouverture de cet album, Born Again, soit Trashed, qui est paru en 83 sur Warner. Et évidemment, c'était la seule et unique formule de l'existence de Black Sabbath où le chanteur était nul autre que Ian Gillan, qui est aussi et bien entendu particulièrement associé à Deep Purple. D'ailleurs, j'avais vu la tournée à l'époque de ce Born Again au défunt Forum de Montréal, ce qui peut commencer à trahir mon âge un petit peu, et c'était vraiment pas très bon, je dois dire. Là, il y avait une grosse attente de retard, là, ma foi, pratiquement une heure, c'est pas plus, avant que Deep Purple, Black Sabbath embarque sur scène, et puis on sentait une certaine confusion auprès des membres, et puis le son était pas très bon, et Ian Gillan, avec Black Sabbath, c'était pas vraiment ça, là, au niveau de la présence scénique. Mais bon, ça fait partie quand même de l'histoire et l'album est en soi très bon. Anthrax et la version qu'ils ont baptisée Collector Tracks sur Arm and Dangerous de Howling Furies. Évidemment, une version qui est différente de celle qui apparaît sur le premier album sur Festival of Metal. Une version qui, je dirais, fait plus rough mix, peut-être plus démo. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une excellente pièce. C'est intéressant d'entendre d'autres versions à l'occasion. Donc, Arm and Dangerous est paru en 1985 sur Megaforce. Et nous avons ouvert le tout avec Accept, petite incursion dans les abysses sous-marins. La pièce des Abyss que l'on retrouve sur Blood of the Nations, avant-dernier album, paru en 2010. Ben, je dis avant-dernier album parce que le 15 août prochain, c'est la sortie du nouvel album de Accept, soit Blind Rage, qui sera toujours sur l'étiquette Nuclear Blast. Ce soir, comme j'ai pu vous le dire en ouverture d'émission, comme je l'avais annoncé la semaine dernière et comme je l'ai mis sur le site de C'est fou et de Réanimation, pour vous rappeler réanimationad.com, j'ai un petit spécial Doom pour vous autres parce que j'en profite pour faire la présentation d'un album. Un album qui vient de paraître il y a environ 30 secondes. Maintenant 33, 34, non, c'est paru le 5 mai dernier, effectivement, c'était une blague. Il s'agit je peux pas dire la formation, c'est un one-man band. Il s'agit de Doom VS, qui est un artiste suédois et qui fait ce genre de musique, c'est-à-dire un funeral doom death metal depuis 2004. Il se nomme, ce seul et unique membre, Johan Eriksson, et la description est assez simple dans ce qu'il joue comme instrument, everything. Donc, ça dit à peu près tout, il joue de tout. Je peux pas vous dire s'il y a des prestations live qui se font avec des musiciens de scène, j'en ai aucune idée, j'ai pas cette information-là. Mais bref, c'est quand même le troisième album complet studio de cet artiste, oui, comme ça, qui est sur l'étiquette Solitude Productions. Et je ne peux vous dire encore s'il s'agit vraiment de sa propre production ou d'une maison de disques, d'étiquette qui est plus, connu ou réputé, je n'ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai découvert cet album-là il y a, ma foi, quelques semaines. Et je l'ai chroniqué sur le site de Réanimation, dans la section musique. L'album étant Hurtless, je lui ai donné une cote de 6,5 sur 10. Vous allez dire, ben, pourquoi tu le présentes ce soir? Ben, c'est pas de vos affaires, ça. Non. Simplement parce que il reste que du doom, je n'en présente pas énormément. Généralement, c'est de la musique qui devient assez redondante rapidement. Mais L'ambiance, comme je l'ai dit la semaine dernière, l'ambiance de Doom VS est quand même excellente. Malgré le fait que c'est du Doom qui est issu à peu près du même moule que bien d'autres bandes, l'ambiance de Doom VS est bonne. Et je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Donc, je vais préparer deux pièces qui sont tirées de Heartless. Et j'ai accompagné le tout d'une autre pièce qui sera de Uncle Acid and the Deadbeats et de Acid Witch. À ce moment-là, oui, on va donner dans le Doom, mais avec une tendance un petit peu plus psychédélique, ce qui va faire un contraste, ma foi, fort intéressant. J'ose espérer. Donc, ah, Gustave. Qu'est-ce que tu dis, Gustave? Ah, tu veux savoir ce que c'est que le Doom? Ben, en fait, pour faire un résumé de ce genre musical, le Doom, c'est une musique qui encense ton état. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Eh bien, mort. Doom vs. Heartless, suivi de A Quietly Forming Collapse. Go!

Wow, les fouilles. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire Acid Witch, qui est une des formations qui reprend dignement, je dois dire, l'aspect doom metal en lui incorporant énormément d'ingrédients plus psychédéliques, ce qui fait un heureux mélange à mon humble avis. C'était la pièce Evil qu'on retrouve sur le Spooky Hippie, qui est paru un peu plus tôt cette année, sur Hell's Headbangers. C'est un split CD sur lequel on retrouve deux pièces de Acid Witch et deux pièces de Non-Slaughter qui donnent dans un death sombre un peu plus musclé que Acid Witch. Auparavant, nous avions Uncle Acid and the Dead Beats. Il semble que le mot acide soit populaire dans ce genre musical. On se demande pourquoi. Et la pièce Valley of the Dolls qu'on retrouve sur Mind Control, la dernière parution de cette formation, paru en 2013 sur Rise Above. Uncle Acid de Dead Beats, lui aussi, cet oncle acide, donne dans un doom et un rock psychédélique. Donc, encore ici, un mélange qui est tout à fait intéressant. Et en ouverture de bloc, deux pièces tirées respectivement du dernier album de cet artiste qui fonctionne sur le nom de Doom VS, soit la pièce Quietly Forming Collapse, en ouverture d'album Heartless, qui est tiré de cet album du même nom, qui est paru en 2014 sur Solitude Production. Et comme je le disais d'emblée, plus précisément le 5 mai dernier, c'est un artiste qui vient de Suède, oui, effectivement, de Suède, et qui exerce sa profession de doomer depuis 2004. Ben, en fait, de façon professionnelle, j'ose l'imaginer. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, pas du tout. Je trouve ça fort emmerdant et très long. En fait, j'ai fermé tous les volumes ici pour rien entendre et je me suis chanté des chansons à répondre. Non, c'est faux. J'aime beaucoup ce... À l'occasion, je ne suis pas un fan invétéré et mordu du Doom, mais je trouve qu'à l'occasion, ça fait le travail. Ça donne une ambiance qui est toute particulière. Chronique musicale, n'oubliez pas que le 20 juin, c'est la sortie du nouvel album de Septic Flesh, de Titan, dont on a eu le droit d'avoir un extrait disponible par les bonnes grâces Septic Flesh. Je l'ai passé il y a quelques semaines ici à Réanimation. Le 11 juillet, c'est la nouvelle parution de Gravedigger et le nouvel album de Hopeth, qui porte le nom de Pale Communion, sera disponible le 25 août prochain. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Misery Index, nouvel album qui porte le nom de Killing Gods. Misery Index, formation américaine qui date dans un death grind metal que probablement certains d'entre vous ont déjà vu et peut-être même ici au Metal Fest parce qu'ils sont déjà venus, qui avait donné un excellent spectacle d'ailleurs. Moi j'aime bien ce que Misery Index font. Ici par contre, de Killing God, je l'ai trouvé un petit peu moins puissant et percutant que son prédécesseur, qui est Ears to Tavery. Pas mauvais, je vais donner un 7 sur 10, mais je sais pas si c'est une question de production. Ils sont quand même sur Season of Mist. Donc, je sais pas si c'est une question de production, je sais pas si c'est une question de composition, mais je trouve moins puissant que l'avant-dernier. Ben, en fait, le dernier, parce qu'il est disponible le 23 mai, donc c'est cette semaine. Moi, j'ai réussi à avoir un advance de ça. J'ai trouvé ça quand même bien, suffisamment pour vous le présenter la semaine prochaine. Autre chose qui est à surveiller, c'est la fin du mois, le 30 mai, c'est le nouvel album des Dead Thrasher polonais, soit Vader. L'album étant TB Et Igni, qui sera sur Nuclear Blast, c'est le 30 mai qui sera disponible. Je vise bien vous le présenter, en fait, probablement pas le 30, parce que le 30, c'est un vendredi. Et le vendredi, je carotte classique. Donc, ce sera plus ou moins bienvenu que je vous présente quelque chose d'aussi heavy que Vader, mais je vais le faire la semaine d'après, c'est certain. Autre chose que j'ai quand même pas mal apprécié et que je vais vous présenter aussi la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est non pas un, non pas deux, mais bien trois présentations que je vous ferai. Il s'agit du dernier album de Sinister, formation des Pays-Bas, qui donne dans un death metal assez rigoureux. Et l'album étant The Past Apocalyptic Servant, qui paraît le 23 mai également sur Massacre Records. Ça aussi, j'ai eu un advance de ça et je dois dire que j'ai été agréablement surpris, quoique j'aime bien ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, je me disais que c'était possiblement garant et ça l'est. Donc, 8 sur 10 pour Sinister. Je pense que c'est une valeur sûre. Effectivement, pour les amateurs du genre, c'est une valeur sûre. Donc, on se le présente la semaine prochaine. Autre chose que j'ai découvert, qui est une formation qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est une formation italienne que j'ai découvert à peine, il y a, ma foi, moins d'une semaine. Il s'agit de Hour of Penance, qui est un brutal death metal. Et j'ai été fort attiré par la présentation graphique de l'album, parce qu'ils ont vraiment une belle pochette, très belle pochette, attirante, des couleurs qui sont vraiment, je dirais, qui ne passent pas inaperçues. Et la composition graphique est vraiment cool. Donc, j'ai été curieux de découvrir que c'était disponible en CD et en vinyle aussi. Et l'album porte le titre de Regicide, pardon. J'ai donné un 8.5 sur 10. J'ai bien aimé ça. Je pense sincèrement que si vous aimez la formation, autre formation compatriote italien, soit Haid, qui donne dans un métal très, je dirais, à tendance à caractère historique de la romantique. D'ailleurs, l'album qu'ils ont fait paraître l'an dernier porte le nom de Spartacus, c'est assez évocateur. Eh bien, vous devriez aimer Hour of Penance, non pas parce que le concept est le même, mais on retrouve certains éléments dans Hour of Penance, dans l'album Regicide, qui rappellent une instrumentation typique de l'Antiquité, mais très subtile, bien dosé, ce qui donne une dimension fort intéressante. Donc, celui-là aussi, Hour of Penance, je le présenterai la semaine prochaine. C'est quand même pas mal de stock, là, je dois dire, compte tenu que... Ben, en fait, je dois avouer que présentement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui sortent intéressantes qu'il y a quelques mois, voire l'an dernier, là, où c'était un petit peu plus tranquille. Donc, la semaine prochaine, ça va être une émission qui va être encore surchargée, bien entendu. Je ferai une chronique cinéma un peu plus tard, parce qu'il y a des trucs que je veux vous entretenir aussi, bien entendu. Mais tout de suite, allons-y musicalement avec... cette semaine, j'ai eu une espèce d'envie de faire des blocs qui sont pas nécessairement très homogènes, qui se baladent entre différents styles. Donc, dans ce bloc-ci, on va entendre, entre autres, métal à tendance un peu plus gothique. On va entendre du black and trash. On va entendre quelque chose qui en rejette pas mal, qui est un peu plus death metal à tendance industrielle. Donc, tout de suite, par contre, allons-y avec l'ouverture, le versant gothique. Il s'agit de Moonspell et la pièce Lycanthrope, qui est tirée de Alpha Noir. Go! imagine. Greater than man. These tutsi women. They are cockroaches. Power, blood, power. Que faites-vous les mercredis 13h? Voulez-vous qu'on en jazz? Avant de commencer votre dure semaine, installez-vous et préparez-vous à écouter la meilleure musique jazz. De Diana Krall à Ella Fitzgerald et les nouvelles sensations comme Emily Claire Barlow, vous apprendrez à aimer le jazz ou à continuer d'aimer ce style musical indémodable. Voulez-vous qu'on en jazz? Tous les mercredis 13h sur les ondes de C'est fou! T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Effectivement, vous êtes dans la zone 89.1, mais qui plus est dans la zone mortelle de réanimation. Et encore pour, ma foi, 20 quelques minutes. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation des Pays-Bas, le Monolith Death Cult, qui est une formation qui a vu le jour en 2002 et qui s'appelait initialement, en 2002, seulement Monolith. Pour quelques temps après, je dis quelques temps, l'espace de quelques mois, je présume, puisque toujours en 2002, ils ont pris le nom de Monolith Death Cult. Formation initialement de Brutal Death Metal et maintenant d'Atmospheric Death Metal avec des éléments électroniques, ce que je trouve fort intéressant. On a entendu la pièce Drugs, Togs and Machetes que l'on retrouve sur la dernière parution studio Tetragrammaton qui est paru en 2013 sur Season of Mist. Ils en sont à leur cinquième album complet studio et je me propose bien dans un temps assez court d'aller découvrir ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait auparavant parce que je trouve ça vraiment, vraiment bon. On avait juste avant ça, formation Witchery, la pièce The God Who Fell From Earth, que l'on retrouve sur Witchkrieg, qui est paru en 2010 sur Century Media. The Vision Bleak, tiré leur dernier album Witching Hour, groupe allemand conceptuel, qui cette fois-ci, en 2013, se sont attaqués aux phénomènes et aux mythes de la sorcellerie, avec la pièce A Witch Is Born. C'est sous l'étiquette Prophecy Production, et nous avons ouvert avec Moonspell et la pièce Lycanthrope, que l'on retrouve sur Alpha Noir, paru en 2012 sur Napalm Record. Très bon album, je dois dire, en fait, pour Alpha Noir, parce que l'autre disque est plutôt ordinaire, qui porte le nom de J'ai un blanc de mémoire, mais je devrais être bon pour le retrouver assez rapidement parce qu'il n'est pas tellement long. Omega White, voilà. Pardon, côté cinéma maintenant. Eh bien, le nouveau Godzilla est en salle depuis la semaine dernière. Je ne l'ai pas vu encore. Je suis un fan et adepte de Godzilla depuis ma tendre enfance, parce que je dois l'avouer, il faut que je sois honnête, il est écrit bien avant moi. C'est faux. Mais je l'ai connu après. Le nouveau Godzilla, qui est un film de Gareth Edwards, selon ce que j'ai pu en lire jusqu'à présent au niveau des critiques cinématographiques, ce n'est pas très, je dirais, c'est pas très encourageant. Il y a par contre Internet Movie Database, IMDb, qui est un site quand même assez, je dirais, assez prisé, mais aussi assez informel, qui sont généralement très sévères et qui lui donnent quand même une bonne cote. Moi, ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est que, bon, il y a toute une espèce d'analogie qui vient autour de la créature de Godzilla, qui est une représentation, je dirais, reptilienne des abus de l'humanité envers la planète Terre, et ainsi de suite. Bon, une espèce de métaphore là-dedans, là. Mais au-delà de ça, ce qui semble être d'un commun accord au niveau des critiques, c'est que Godzilla, on le voit dans son entier, peut-être dans les 10-15 dernières minutes du film, ce qui est un peu poche, je dois dire, là. On le voit, mais subtilement, on voit des grosses pattes, on voit sa queue qui démolit des trucs, mais dans l'entier de sa créature, de son énormité, on ne le voit que dans les dernières minutes du film, semble-t-il. Et moi, je trouve ça un petit peu décevant, parce que pourquoi prendre la peine de faire un film sur une créature géante, monstrueuse, si on le voit à peu près pas? Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Surtout que dans les films, il faut s'entendre, dans les derniers films japonais de Godzilla datent quand même des années 2000. Et puis, s'il y a une chose qu'on voit, c'est bien lui, hein. Donc, je pense que... Mais encore là, je dois dire que les adaptations, et encore là, américaines, je dois le dire, au niveau du cinéma, quand on prend des films étrangers, qu'on les adapte à la sauce américaine, souvent, il y a un petit peu de dénaturement, là, si ça peut s'appliquer comme terme, là. Pour le moins, c'est dénaturé assez souvent. Et c'est ce que je reproche aux adaptations américaines, parce qu'ils ont comme un peu la façon de penser qui est celle-ci. « If it's not made from the US of A, it's no good. » Pour le cinéma, ben, ils ont des très bonnes choses, les Américains, mais à l'extérieur, ils font des trucs intéressants aussi, puis je pense que c'est pas nécessaire de toujours démolir. Mais ça, je fais de la projection parce que je l'ai pas vu encore. Mais... je m'y fais aux critiques, généralement, quand ils sont unanimes, à peu près à 90%, c'est parce qu'il y a un fond de vérité dans tout ça. Autre film que j'ai vu et que j'ai quand même assez bien apprécié, c'est Jack Ryan Shadow Recruit, qui est un film d'action et d'espionnage qui met en vedette Chris Penn, Kevin Costner et Kenneth Branagh. Et c'est aussi Kenneth Branagh qui en est le producteur, le réalisateur de ce film. C'est bon. Honnêtement, là, c'est un peu, je dirais, un espèce de souffle nouveau du genre de l'espionnage action. C'est bien fait, c'est intéressant. Kevin Costner, je dois le dire, j'ai vu deux films avec Kevin Costner depuis la dernière émission, et contrairement à ce qu'on peut penser, il l'a prouvé lui-même, là, qu'il était peut-être pas à la hauteur souvent certaines choses, surtout pas au niveau producteur peut-être, mais je pense que il a pris un certain recul peut-être, et je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon dans ce film Jack Ryan. Je trouvais que c'est quand même un personnage, peut-être pas le personnage principal, mais un personnage important, et puis il prend bien son rôle, et il prend de l'importance aussi au niveau du film. Donc, Jack Ryan, Shadow Recruit, je pense que ça vaut vraiment la peine. Je lui ai donné un 7.5 sur 10. Et honnêtement, j'ai hésité à lui donner un 8. Mais je me suis dit, je vais le revoir et peut-être que je me réviserai, mais c'est l'impression qu'il m'a donné, ce qui est loin d'être mauvais, un 7.5 sur 10. Autre film que j'ai écouté, Heart of the Furnace, qui met en vedette Christian Bale, Woody Harrelson et Casey Affleck. C'est un film, c'est un trailer. La catégorie dans laquelle il est mis, c'est Crime and Trailer. Moi, je dirais plutôt que c'est carrément un drame social que j'ai trouvé assez emmerdant, je dois dire, qui raconte l'histoire de travailleurs de la classe moins moyenne, disons, dont le frère est un ancien militaire qui a servi beaucoup, entre autres en Afghanistan, et ainsi de suite, et qui est un paumé, qui est un joueur, qui doit de l'argent, et ainsi de suite, et qui pour essayer de rembourser ses dettes, eh bien, fait partie de combats illégaux qui sont assez violents. Et Christian Bale, qui est joué par Casey Affleck, d'ailleurs, Christian Bale veut le sortir de là. Lui, c'est le bon gars, mais bon... son jeune frère est pris dans les griffes et les rouages de Woody Harrelson, qui est un véritable pourri, soit dit en passant. Là, pour ça, ça vaut la peine, parce qu'Harrelson fait vraiment le rôle d'un très bon pourri, très violent et très très cruel. Ça vire mal, et puis Christian Bale pète un peu les plombs pour se venger, mais c'est comme dans les dernières minutes du film. Donc, il y a des longueurs absolument hallucinantes, et je dois avouer que je me suis pas mal emmerdé à écouter ce film-là. Heart of the Furnace, j'ai donné pas plus qu'un 5 sur 10. Je l'ai pas donné moins, simplement parce que il y a des éléments qui sont quand même intéressants, puis ils sont bien faits. Il y a un souci du détail dans le film. Christian Bale, il faut lui donner ce qu'il a. Peu importe le rôle qu'il interprète, il l'a bien et il est bon. Donc, ça justifie peut-être juste... Ben, ça justifie la note de 5 sur 10. Pas plus, parce que c'est long, c'est plein de longueur. 3 Day to Kill, qui met en vedette, ben cette fois-ci vraiment en vedette Kevin Costner, Amber Heard et Hailee Steinfeld. C'est un film d'action, film tendance criminelle, espionnage si on veut. C'est l'histoire d'un c'est un agent de la CIA qui a fait des sales besognes et qui a décidé, il en a perdu sa famille et ainsi de suite, et puis il a décidé qu'il mette un terme à ça parce qu'il est blessé, on le remercie de ses services et ça fait son affaire. Il veut retrouver sa fille et son ex-femme qui sont en France, à Paris. Et puis, malgré lui, il est replongé dans une série de missions qui sont assez meurtrières. C'est bien. C'est correct. C'est divertissant comme film. J'ai donné un 6.5 sur 10 parce que Costner est vraiment bon dans le film, je dois le dire. Par contre, le scénario, il y a un petit aspect à l'eau de rose un peu là, qui est fatigant. Là, parce que toutes les bonnes scènes qui font lever le film en tant que tel sont un peu rabattues par les petites histoires de reconquérir ma fille qui est une ado révoltée, qui veut rien savoir de moi, mais je sais plus quoi faire. Bon, en fait, le pattern est stéréotypé habituel. Mais bref, c'est divertissant. 3 Days to Kill, c'est un film de Mick G que je ne connais pas du tout. Et c'est disponible en DVD Blu-ray. Ça vaut la peine d'être vu. C'est divertissant. Je n'ai pas eu le temps encore de regarder... Mais en fait, j'ai conclu certaines séries, j'en ai débuté d'autres. J'attends de terminer vraiment American Horror Story avant de commencer From Dusk Till Dawn, la série de Robert Rodriguez, saison 1 de série de vampires. Même chose pour Salem, même chose pour Da Vinci's Demon, mais quoi qu'au rythme que je les écoute, ça devrait m'y attaquer assez rapidement. Le film que je vous... en fait, c'est pas un film cette fois-ci que je vous recommande de revoir ou de découvrir. C'est une série qui a été en ondes sur les ondes télévisées, bien sûr, de 1959 à 1964. Pour moi, ça reste vraiment une série culte. Il s'agit de Twilight Zone de Rod Serling. Il y a énormément d'épisodes attachés à ça. Ce sont des épisodes noirs et blancs. Je vous conseille de les prendre en version originale aussi. En anglais, ils sont beaucoup plus subtils par moment. Et puis, il y a des petits jeux de mots qui sont intéressants dans l'histoire. C'est vraiment de la science-fiction. La science-fiction des années, de la fin des années 50, début 60, qui touche un très vaste volet de sujets qui sont traités, bien sûr, à la sci-fi. C'est vraiment intéressant. C'est très, très bon. C'est des petits épisodes qui durent généralement, je pense que c'est 24 ou 27 minutes, quelque chose comme ça. Donc, ça se coûte très, très bien. Et puis, ça montre que les séries qui ont une cinquantaine d'années, avaient vraiment quelque chose d'avant-gardiste. Et on y retrouve beaucoup d'imagination, d'originalité. C'est une saison qui a brisé beaucoup de tabous à l'époque parce qu'il y avait aussi la guerre froide qui était là, qui se pointait tranquillement. On décrivait souvent l'envahisseur potentiel par les extraterrestres, les martiens, c'est ça. Donc, bref, c'est intéressant de Twilight Zone. Il est 20h48, je n'ai plus énormément de temps, mais on va quand même aller se taper quelques pièces. On va débuter avec une pièce de Massacre qui est Back From Beyond, pièce titre du dernier album paru il y a quelques mois sur Century Media. On va écouter aussi quelque chose de complètement éclaté que j'ai présenté il y a quelques semaines, soit Deathrage, et la pièce Destroy, Create, Transform, Sublimate, et on verra si on a le temps pour autre chose. Donc, Massacre, go! Killer!

The Strange. Et la pièce Destroy, Create, Transform, Sublimate, pièce d'ouverture de l'album Are You Kidding Me? No. Avant-dernier album paru sur Metal Blade, nous avons ouvert ce bloc avec Massacre, la pièce titre de du dernier album Back From Beyond. C'est paru sur Century Media en 2014, bien entendu. Je vous rappelle que Trois-Rivières Metal le propose le 24 mai prochain au Rockafé Le Stage, formation Ordox, Harris et Smirking Revenge. C'est le 24 mai, show débute à 20h30, les portes ouvrent à 19h30, c'est pour tous au coût de 10$. Et il présente le 28 juin au Rockafé Le Stage toujours, Avoc, Wretched, Hellborn et Satanic Glue Sniffers, pardon. C'est à 20h le 24 juin, les portes ouvrent à 19h, c'est pour tous au coût de 15$. La semaine prochaine, je vous présente trois albums, soit celui de...